21-19, activation orale, ce qu'on peut avoir. Répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. Vous vous trompez. Et vous dites Non, j'ai raison. 2. Mireille se trompe. Non, elle a raison. 3. Les manifestants se trompent. Non, ils ont raison. 4. Je me trompe, moi? Non, tu as raison. 5. Vous vous trompez, vous deux? Non, nous avons raison.